Pendant cet entretien, on apporte un billet de Monsieur de T. Il suggère à des grilleux un bon tour à jouer au jeune GM. Manger son dîner et coucher dans son lit. Manon juge l'idée fort plaisante et insiste pour qu'elle soit réalisée. Quatre gardes du corps se chargent d'arrêter GM fils et de le séquestrer pour la nuit. Mais le laquais du jeune homme, témoin effrayé de l'affaire, court avertir le père de son maître. Le vieux GM, après quelques recherches vaines, se rend avec une escouade d'archers chez la maîtresse de son fils.